secret I tell you and I put in the pot. Hey, ring the alarm. Hey, whoa. Put a smile on your face. Secret I tell her and I put in the chat. This is a sound man session, come follow me. Someone session, this is a sound man session. Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Montpellier, il est 21h, passé de 8 minutes, et vous écoutez la deuxième émission de Campus Sci-Fi, l'émission dédiée à la culture dub et sound system autour de Montpellier. Alors on a une belle équipe ce soir autour de la table, mon équipe habituelle déjà, Romain, salut Romain. Salut Cédric. Ça salut, va, t'es en forme ce soir? Salut tout le monde, je suis en forme comme un lundi. Nickel. Tu nous feras l'agenda, les nouveautés tout à l'heure. Exactement, les actualités, les albums sortis ces derniers temps, dans le mois dernier en tout cas. Yes. En face, Yanis. Salut. Ça va? Tranquille, comme un lundi aussi. T'as passé un bon week-end? Ouais, bien sûr. Je pense que tout le monde autour de cette table aussi. En effet. Ludo. Du coup, moi, ça va très bien également. Toi, ça va, Cédric? Plutôt, ouais. Parfait. Content d'être ici pour animer cette émission avec vous. Et on a aussi Clément et Léo, salut les gars. Salut. Respectivement Ambush Sound System et Uptown Routical Sound System. Donc tout à l'heure, on fera une petite interview, tout ça, on discutera de vos projets et on aura une partie session en live stream sur Facebook. On diffusera aussi tout à l'heure l'interview qu'on a fait d'Underground. On a eu l'occasion de les rencontrer quand ils sont passés à Victoire 2 avec Bizou et Panda Dub. On a pu voir pas mal d'autres artistes d'ailleurs en backstage, enfin juste vu, hein, mais... On en discutera tout à l'heure justement, c'est au programme. Et on fera aussi donc notre petit point agenda avec pas mal de soirées à venir encore et toujours sur Montpellier et aux environs. Et en attendant, je vous propose d'écouter un premier morceau de Vibronix, China Rock. Yes, c'était Vibronix à l'instant dans Campus Hi-Fi sur Radio Campus Montpellier avec le morceau China Rock. Et on va passer sans plus attendre aux nouveautés avec Romain. Et des nouveautés qui nous font voyager ce mois-ci, puisque on a des sorties d'albums qui peuvent nous transporter aux quatre coins du monde. On commence par Underground et Chillbump qui ont sorti leur album chez ODG Prod et qui signent une collaboration tout droit sortie du nord de la France et plus particulièrement de Tours, ville d'origine des deux groupes. Alors Chillbump, c'est un duo de MC hip-hop, en duo cette fois-ci avec Underground, composé essentiellement de deux frères, et on en saura encore plus tout à l'heure, n'est-ce pas, avec l'interview de ces derniers. On retrouve donc 9 morceaux dans cet album, entre dub, techno, hip-hop et trap, le tout ponctué par quelques sons de Melodica signés Artix, et bien évidemment d'autres sonorités bien typiques d'ODG, comme des sons de synthé ou des samples bien planants. On peut donc écouter cet extrait de l'album. Aux sonorités plutôt dub et techno, tandis que cet extrait nous propose une version plus hip-hop et trap. Un album à retrouver en tournée pour le Télérama Dub Festival qui se produira du 18 octobre au 1er décembre. Et en parlant de ce Télérama Dub Festival, le 14e album de Brain Damage, intitulé Yanomas, sorti chez Jarring Effect, est né de cette tournée qui s'est produite en 2017. C'est alors qu'une rencontre se crée avec la boîte de production Gatos Negros Prod. Et dans ce collectif figurent deux artistes, Maki Ruff et Baitana, ouvrant pour la paix dans les quartiers oubliés de Bogota. Et c'est ce qui a motivé Brain Damage pour cette collaboration franco-colombienne, dont 10 morceaux sur 14 sont faits en featuring avec des artistes colombiens, comme Jimena Angel, Ramen Fonseca ou encore Maki Ruff and Gaitana. On retrouve d'ailleurs un symbole de paix associé à ce projet à travers le nom du premier morceau, Sin Violenza. C'est donc un album qui mélange plusieurs styles, de la cumbia à la salsa, associé de dub et de reggae, qui font du 14e album de Brain Damage un album pour le moins atypique. On retrouvera donc en tournée en Colombie ainsi qu'en France pour une soirée le 10 novembre à Lyon dans le cadre du Télérama Dub Festival justement. Un autre album qui prête à la culture autour du monde est l'album de Abu Dubs nommé Multicultural, sorti chez Marée Basse et qui est surnommé cet artiste le Dub Trotter car c'est un artiste originaire de Hongrie où il commence sa carrière en tant que MC et producteur dans un label de drum and bass. Il va ensuite enrichir son style musical lors de ses jours en Angleterre où il va rajouter du dub et de la dubstep avant de monter un label au Cambodge. Il retourne ensuite en Hongrie pour continuer dans le voyage où il participe à la construction du premier sound system artisanal du pays intitulé Dubface Sound System et il sortira ensuite 3 albums puis un autre ensuite à un voyage au Mexique nommé Aventuras in Mexico, qu'on peut d'ailleurs retrouver sur Culture Dub Records. Puis vient cet album Multicultural, qui comme son nom l'indique d'ailleurs, puise son inspiration à travers cultures de tous les horizons, que l'on retrouvera chacune dans un des 14 morceaux à sonorité tantôt grecque, celtique, latine, indienne, asiatique, même balkanique, arabe ou encore amérindienne. Comme par exemple ce morceau qui rappellera les morceaux celtes. Lourd. Et encore celui-ci, pour le moins atypique. Voilà deux petits extraits de Multicultural, un album signé Abu Dubs. Et pour finir, on parle d'Ashkabad, avec leur album Reptile, comme Ludo nous l'avait mentionné la semaine dernière. Le mois dernier, pardon. Le mois dernier, merci. Et donc, il y a un album qui, une nouvelle fois, nous fait voyager, comme ouais, on aurait pu l'espérer. En effet. Et à travers différentes sonorités venues du monde entier, comme pour le morceau Spine Travelers, aux sonorités orientales, ou un morceau avec Naija, artiste originaire du Nigeria. Le duo, du coup, nous offre quand même un album toujours aussi envoûtant, avec un skank qui devient de plus en plus marquant au niveau des morceaux, accompagné de basses qui vont augmenter en puissance, ce qui illustre tout ça s'écoute, pardon, avec un bon extrait de l'album pour le plaisir de nos oreilles, et celui-ci s'appelle Black Mamba. Continually, no matter what the weak heart say, I and I is like a tree that planted by the river of water. And not even the dog that piss against the wall of Babylon shall escape this judgment. For I and I know that all of you shall witness the day that Babylon shall fall. Yes, I, c'était Ashkabad avec le morceau Black Mamba. Merci Romain pour ce point sur les nouveautés. Eh bien de rien. On va passer à la diffusion, enfin à l'interview de Underground, mais avant on se met une petite virgule. Alors c'était le vendredi 28 septembre à Victoire 2 à Saint-Jean-de-Védas. Il y avait une soirée quasiment au DG Prod justement, où on a vu Bizou, Underground et Panda Dub avec son live Circle Live. Et c'était on y est allé, on a pu interviewer Underground. On a vu plein de monde, on a plein de choses à vous raconter sur cette soirée, mais d'abord on s'écoute l'interview. On est avec le crew Underground. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? À l'origine, on est deux frangins, Paul qui est à ma droite et moi-même Simon. Il y a Thomas à la basse qui est juste là et Guillaume qui est juste à côté un peu nu, qui est à la batterie, qui bouge beaucoup sur scène. Voilà. Et du coup, principalement sur la composition, c'est une histoire de famille, on est tous les deux. Mais depuis quasiment maintenant, depuis plus de 10 ans, Thomas il nous accompagne, et puis plus de 5 ans maintenant, Guillaume aussi. Donc en fait, voilà, ODG c'est aussi une aventure, enfin c'est surtout une aventure sur scène, et voilà, avant tout c'est un truc qu'on partage à 4 et à 5 maintenant depuis peu, avec Jeep, qui est notre ingé son, façade et retour selon... A.K.A. Ayalight, Brigante Records represent. La scène de Tours du coup. Ouais, la scène, la bonne scène de Tours. C'est pas une scène très vivante, mais c'est une scène super studio et studieuse. Tout le monde travaille chez soi. Et voilà, il n'y a pas énormément de festivals. Il y a des choses à faire, mais voilà, c'est loin d'être l'engouement qu'il y a dans le sud ou dans l'est ou même en Bretagne par rapport au reggae et au dub. On est dans une région où voilà, les grandes villes se font rares. Et du coup, on travaille tous chez nous et après on s'exporte en France et tout. Voilà, très bien. Alors du coup, ouais, tu disais le projet Underground, il est né il y a quelques années déjà. Ouais, 2004-2005, le premier. Donc tu as monté ça avec ton frère Artix à la base. Ouais, voilà. Du coup, les autres, vous vous connaissiez d'avant, hein. C'est une bande de potes. On les a vus en concert à une période où on adorait Brain Damage et ça devait être 2004. Ouais, on les a vus à une soirée, à l'époque c'était le courant c'était de faire début de soirée dub et après drum and bass. Et c'était un peu partout comme ça en France. Et nous il y avait un truc qui se faisait entre Tours et Bourges. Et ils ont joué juste avant Brain Damage, qui pour moi est un des groupes phares de la scène française, un des deux meilleurs pour moi groupes français. Et juste avant eux il y avait un groupe local de Bourges qui s'appelait Orange Dub. Et il y avait Nati, il y avait Ben qui était aux percussions, Valentin aux machines, Guillaume, mais qui n'est pas celui-ci, un autre Guillaume qui était au scratch. C'était très complet, c'était vraiment un groupe complet. Et il y avait, c'est tout, voilà, c'était complet. Aujourd'hui ça s'appelle Da Wi-Fi. Et maintenant ça c'est, voilà, maintenant c'est Da Wi-Fi, le sound system, mais qui existait déjà à l'époque parce qu'ils posaient leur premier mur à cette soirée. Donc tout, pour moi tout s'est fait, j'ai compris un peu ce qui se passait à Bourges, qui est aussi une petite ville, mais il se passe énormément de choses culturellement. Et en fait la connexion s'est faite à ce moment-là entre Tours et Bourges. Nous, à Tours, il y avait très peu de concerts, mais à Bourges, il y avait déjà une énorme scène drum and bass. Et on faisait des allers-retours, et le dub a continué de lier ça. La drum and bass est un peu morte, et enfin, pas paix à son âme parce que ça revient, mais le dub a un peu pris plus de place, en tout cas dans les petites villes, et du coup, on s'est carrément connecté grâce à ça. Et très peu, six mois après, ils ont arrêté avec Orange Dub, ils nous ont appelés, ils sont venus chez nous. Voilà, depuis ça s'est pas arrêté. Donc il y a le mot dub dans Underground, on retrouve beaucoup de dub, mais aussi beaucoup d'autres influences, notamment du dubstep ou des fois un peu de trap même, pour parler basse musique. Pour vous c'est un peu votre ligne directrice, le fait d'être multi, enfin musique un peu... crossover quoi, c'est ça, le mélange. Éclectique. Alors, on vient du dub électro, du dub haïtonien, c'est clair, mais après effectivement on se met pas de barrière. On aime le dub anglais, le dub français, mais on s'ouvre à tout, effectivement, tu parles de trap, on kiffe le roots, on kiffe plein de choses, donc effectivement on se met pas de barrière, ça refroidit certains, mais au final c'est voilà, on affirme ça en live, on joue plein de trucs et effectivement c'est ce qui fait notre force, notre caractéristique. Devoted my life to science. You don't get no apology from me, contraire. I refer to what you have shown. Scholarships to back your argument. arguments. You have no arguments. Only invective. Read, read, read, read. On va parler du label maintenant, Underground, enfin ODG. Ouais, c'est compliqué, original, non, même nous on sait plus. Alors en ce moment c'est Original Dub Gathering, ODG Prod. C'est un nom très représentatif du coup. Vous pouvez nous parler de comment est-ce que vous avez monté ce label? C'est que ça a commencé en fait en même temps que Underground en fait. Si je reviens au même truc, hein, en 2004, si Nati nous a contacté pour venir jouer avec nous, c'est parce que sur internet on avait déjà un site qui s'appelait odg.euro.st au début, tu vois, qui est devenu underground.jplusquoi, voilà, les balbutiements d'internet, et on mettait déjà nos morceaux en ligne. Et très vite on s'est rendu compte que bah voilà, il y a des connexions régionales, hein, vraiment c'était régional au début. Et on a fait une compilation avec 4 personnes, puis après 5, puis 6, etc. C'était, au début, ça s'appelle les Step for High, on en a fait 6, il y a 6 opus. Et en fait, au début, voilà, on a constitué une petite base de données autour de notre, sur un site internet qui portait le nom de notre groupe. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais attends, c'est un frein en fait de mettre ça sur le nom du groupe, il faut qu'on trouve quelque chose qui soit proche de ODG. Mais voilà, il y avait plein de choses à faire, donc on a mis ODG Prod. On aurait pu trouver un nom plus simple, mais en tout cas voilà, c'est histoire de séparer l'idée de faire une plateforme un peu comme Deezer l'a été après. Moi je pensais plus à Napster qui faisait un truc gratuit, illégal, mais nous on voulait faire du légal. Tu vois, tous les gens qui nous ont donné des morceaux, ils nous ont autorisé à donner le MP3 gratuitement. Et en plus ça rentre pas en conflit avec les politiques actuelles des plateformes payantes. Du coup on peut quand même mettre en téléchargement payant les MP3 haute qualité et les WAVE, ou les lossless format, FLAC, etc. Et tout en proposant le gratuit MP3, voilà. Et c'est... Enfin bref, ça rentre dans le cadre du streaming plus ou moins payant avec la pub, machin. Tu fais un peu comme tu veux, une sorte de donation, et ça c'est très bien, on a réussi à continuer à avec la même politique. Au bout de plus de 10 ans, il y a 14 ans. Donc c'est cool. Vous avez combien d'artistes c'est dur à plus dire. Ou moins. On n'est pas un label à peu. C'est une plateforme. À proprement parler, c'est plus une plateforme. Donc on, c'est comme si tu demandes à Deezer combien il y a d'artistes. Il n'y a pas d'exclusivité, les artistes viennent sortent des albums chez nous, mais ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de on signe rien. Donc effectivement, la question, vous avez combien d'artistes, il n'y a pas vraiment de réponse, mais sauf qu'il y a quand même des artistes qui sont fidèles à notre plateforme, et je dirais Panda et 10 Bizou, et 20. Ouais, 10, 20, ouais, on va dire 15. Un noyau dur. Noyau dur d'albums. Et après, il y en a, comme il y a plus de 1200 morceaux, enfin je sais plus, on avait fait une fois, on avait lancé une radio, on avait mis tous les morceaux bout à bout, ça faisait vraiment plus d'un millier de morceaux. Et on a passé les 250 albums, je crois. C'est ça, ouais, on a passé le 250 albums gratuits et compris. C'est Afterwork, c'est tous les groupes. Afterwork a fini, ouais, c'est vrai qu'en booking on travaille avec Afterwork qui a fini par, année après année, prendre de plus en plus d'artistes en développement du label. Et du coup ça fait vraiment une famille qui à la fois est accompagnée artistiquement en développement, booking et sur scène. Et c'est vrai qu'Afterwork c'est libre, définitivement. Il y a quelques mois, il y a un album remix des morceaux d'Ayton par des artistes du label qui est sorti. Ça, c'est un projet justement porté que Matt a décidé. C'est lui qui est le directeur artistique de ça. Comme c'est lui le patron d'Afterwork, c'est la première fois où il s'est dit « Ok, là, en fait, pour te dire la vérité, c'est un projet qui a été lancé par notre ancien booker il y a des années, qui était amoureux d'Ayton et qui voyait qu'avec le label, on pouvait faire ce genre de choses. Et il voulait faire un album remix d'Ayton. Alors après, c'est une idée que voilà, tout le monde peut avoir, tu vois, mais étonnamment, Matt, il l'a repris 5 ans après, il est allé jusqu'au bout avec une magnifique pochette, une putain de ligne directrice. Voilà, on a plus de 10 tracks, après, en plus d'autres qui sont rajoutés, parce qu'il y a eu des extras pour le vinyle, pour la sortie de CD. Avec la nouvelle génération, parce que il l'avait déjà fait, tu sais, avec Ivysator. Oui, avec ils avaient montré le chemin, c'est vrai. Avec Zendile, Zentone, avec Random Ivysator, Caltone. Zentone, Caltone, Ivysator, voilà, c'était toutes les rencontres qu'ils avaient fait. Puis à la base, on en découvrait une. 6 mois après, ils en faisaient une autre. On se disait, mais non, mais c'est pas possible. Et l'année d'après, ils en refaisaient une autre. Et à chaque fois, c'était des tueries. Et c'était juste. Ils faisaient. Et donc, en tout cas, nous, notre génération-là, elle a essayé de refaire ça. On a moins réussi à faire, parce qu'il y avait un engouement de fou à l'époque. Il y avait encore le CD, etc. Ils arrivaient à faire vraiment des projets aboutis. On a moins réussi à le faire jusqu'au bout. On s'est fait des featuring sur un morceau, mais pas sur un album entier. Et enfin, Matt est arrivé avec ce projet abouti. Et tout le monde a choisi un morceau. Et franchement, super, super rencontre. Et honneur absolu. Honneur absolu de recevoir les pistes séparées, des samples, des trucs, tu sais, les trucs que t'as entendus. Every time I hear this sound, tu vois, nous on l'a reçu, ça, mais non, c'est incroyable. Un peu le papa quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Complètement. Pour nous, la boucle était bouclée. Et la suite arrive. Novembre, le remix de la discographie de Kyle Dub. Encore un des groupes fondateurs du dub français, Kyle Dub. Même période, ils se sont partagés un batteur au début. Ils sont très proches de Lyon. C'est vraiment deux groupes qui sont quasiment jumeaux en fait, ouais, dans leur approche. Hein. Hightone a eu une vraiment dans le même appart. Ouais, dans le même appart, il y avait une coloc qui a été un truc mais incroyable à une période. On pourrait faire un trax là-dessus sur Arte, tu vois, vraiment. Malheureusement, Arte est passé à côté de ça, mais vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Le berceau du dub, hein, pendant longtemps on disait, hein, c'était le berceau du dub. Bon, après il y avait un pro côté bordelais, mais pendant très longtemps, Saint-Étienne-Lyon, c'était la région berceau du dub. Hein. Français. J'imagine que c'est des groupes qui vous ont inspiré. Ah bah, plus que ça. Vous avez écouté. Sans ça, il n'y aurait pas de DG. Rien. Pas de bisous, probablement pas de panda. Vous êtes arrivé dans le milieu du dub. Il y a plein de manières d'arriver dans le dub. Il y a plein de manières d'arriver dans le dub. Clairement. Après, nous, on est venu d'abord du dub français. On n'écoutait pas de reggae. On a écouté le reggae plus tard. Ah ouais, après. On a commencé avec le dub français. On écoutait autre chose, je sais pas, du rock and roll, enfin du rock, du metal, ou je sais pas, autre chose. C'est d'abord le dub français qui nous a parlé. Hip hop aussi, bien sûr. Hip hop, plein de trucs. Mais le reggae est venu bien plus tard. Après, d'autres sorties peut-être. D'autres projets Là autour de la table, t'as moi déjà notre on peut en parler, quand même notre bassiste, il a un projet Roots Red et il est toujours en train de travailler un album voilà, hein, peu, ouais. 2019 on peut l'annoncer, hein. Ouais, on va dire ça. On va aller, voilà, pas trop frileux, printemps 2019 on est bon. notre ingé son Pierre-Jean qui fait sous Ayalight, hein, donc voilà, on a aussi encore un peu, en fait c'est ça qui est fou dans le dub, c'est que tout le monde a son petit home studio, tout le monde a son projet, chacun s'échange les trucs, ouais. Même Guillaume, notre percu, finalement, lui, il fait de l'enregistrement, du mixage chez lui, il a un studio analo, machin, enfin, il fait plein de choses, il travaille avec des rappeurs, il mixe l'album reggae d'Artix avec un autre band qui s'appelle Les Roots Addict, okay. Qui est un autre projet à Tours, plus roots, et vraiment instrumental, très classique, très fondamental, quoi. Et donc voilà, ça c'est censé être voilà, mixé avec les racines du hardware, enfin voilà, une console, etc. Pas sur ordinateur, voilà, exactement. Pas sur PlayStation. Le dub à l'ancienne, à la Jamaïcaine, voilà. Donc, et puis en plus, on est en train de travailler un prochain album avec Chillbum, qui est un autre projet de tour. Donc pour le Télérama dub, etc. Donc là, il y a plein de choses qui arrivent. Franchement, j'ai envie de dire, on n'a jamais. L'année dernière, on a fait un truc avec Danakis, c'est déjà une grosse machine, parce que Baco, c'est une putain de grosse machine qui est en train de réveiller le reggae français et qui est en train de. J'ai envie de dire décatégoriser le reggae français, c'est-à-dire qu'il y a vraiment il y avait une niche un peu, on fait du reggae français New Roots, et maintenant c'est en train de s'élargir. J'ai envie de dire grâce à Generation, Naman, etc. Même Bika qui a fait beaucoup de travail, qui a jamais voulu être affilié à cette scène reggae, mais qui finalement fait quand même le travail de dire voilà, le dub, le reggae, le dancehall, c'est une culture, on peut le voir comme ça, etc. C'est d'autres images. Et du coup, petit à petit, franchement, même voilà, donc je le redis, hein, grâce à Bakoum, hein, qui fait un énorme travail, on arrive à, je trouve, une grande scène large. En France, on a beaucoup de chance, il y a beaucoup de salles, un super public, beaucoup de festivals, plein de radios qui en parlent. Beaucoup d'artistes. Voilà, et beaucoup d'artistes, bien sûr, et beaucoup d'artistes, même pas que français, du coup, tellement c'est une terre intéressante, il y a beaucoup de gens qui viennent faire ça. Bah merci les gars, c'était cool, hein. Gros big up à Campus, hein. Hey, lui il y a travaillé, enfin il est tout le temps. Un grand merci à Underground de nous avoir accordé cette interview, un merci à Victoire 2 aussi, puis aux autres artistes qu'on a vu défiler là-bas, on a vu pas mal de monde. Et on a aussi un petit bonus de l'interview qu'on n'a pas diffusé, il faut savoir que du coup... Bah, Underground et DaWiFi sont très liés et on a une petite anecdote à ce sujet. Mathias d'ailleurs qu'on a rencontré il y a très longtemps, un petit big up à Mathias qui est patron d'Afterwork, qui accompagne Panda depuis des années et qu'on a rencontré à Bourges par hasard, hein, à la première année où DaWiFi sortait son sound system à Bourges devant la cathédrale au printemps. Et on les a forcés, on cherchait une prise parce qu'il y a des prises dans la rue, dans les villes, en fait tu te promènes dans la rue et tu vois... Tu sais, au bord d'une boue. Ouais, voilà, exactement. Tout d'un coup, il y a une prise un peu en hauteur. Tu fais, mais non, vous êtes sérieux, ils ont mis une prise. Et on a fait la courte échelle, on a mis un sèche-cheveux. Ça a marché, on a fait, mais non. On a appelé, ouais, Dawa, vas-y, ramenez votre. Non, il voulait pas au début. Voilà, non, vous êtes sérieux, il n'y aura personne, il fait froid et tout. C'est parce que le printemps de Bourges, c'est en avril. Ok, ils sont quand même venus. Et Matt était là, il nous attendait. Mais il nous a posé des questions, vous faites quoi avec votre sèche-cheveux? Et mec, on est toujours là avec lui maintenant. C'est lui qui organise toutes les soirées avec Panda. Et on s'est rencontrés en. C'était pareil, 2004, ouais, hein, peut-être 2005, mais ouais. C'était dans la même année ou l'année d'après, quoi. C'est fou. Voilà pour l'anecdote. Donc du coup, on va y rencontrer le patron de Afterwork, leur boîte de booking. Voilà. Pas mal, hein. Ouais, ça nous a un peu surpris quand on a entendu ça. Est-ce que vous avez déjà posé un sound system comme ça en ville? Ah, ouais, sur un coup de tête avec une prise. Non. Non, avec des bars ou des commerçants, ouais. Pour la fête de la musique ou des trucs comme ça. C'est déjà pas évident pour la fête de la musique, alors ça serait risqué des trucs, quoi. On en reparlera tout à l'heure. Du coup, pour revenir au concert, enfin, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Ah, franchement, c'était vraiment, vraiment cool. Le système son de V2 est toujours au top. Hein. Ça se voit que les mecs d'ODG, Panda Duff, hein, que les mecs qui passaient, c'était vraiment des showman. Ils ont bien travaillé leur set, c'était vraiment cool. Les petites mentions aussi au show light de Panda Duff qui était vraiment impressionnant. Ça vole les tours en effet. Et les pogos sur les fins de set de Panda Duff. Oui. Toujours impressionnant. On part avec ses copains, on revient tout seul. Non, mais c'était pour moi aussi, je trouvais que c'était un très bon show. Panda Dub, j'avais déjà vu son live une fois et bon, c'est vraiment un bon représentant du dub, on va dire. Voilà, il tient bien son rôle. Et puis les trois d'affilée dans la même soirée, ça valait le coup. Trois styles différents, mais ils sont tous dans le nouveau électro dub français, on va dire. C'était vraiment, vraiment chouette à refaire. Et mention spéciale à Bisou aussi, notre fierté locale, notre dubber local. Bah voilà pour cette interview d'ODG Prod. On va s'écouter un petit morceau. Bah allez, pourquoi pas, hein. Allez, bon, on va s'écouter un petit DaWiFi justement. À en parler. Avec le morceau Tubby's Answer. Yes, I, c'était Da Wi-Fi avec le morceau Tubby's Answer à l'instant dans Campus Hi-Fi, toujours sur Radio Campus Montpellier. Et on va passer à notre petite chronique du jour. What's the time you have the dream? 12 o'clock, Nati. Alors notre chronique du jour, bah, ça va être nos coups de cœur. Rappelez-vous, on l'avait annoncé lors de la première émission. Voilà, on risque de la retrouver à chaque fois. Hein. Exactement. À chaque fois, on choisit un morceau. Voilà, nous, on n'est pas au courant de ce que les autres ont choisi. Et on le passe comme ça et on doit dire pourquoi on l'a choisi. Et Yanis, je te propose de commencer. Ok, ok. Bah, moi, mon coup de cœur du moment, ça vient d'un scud assez vieux. Wake Eld Rude de Martin Campbell. On écoute ça tout de suite. Et voilà, c'était Martin Campbell, Wicked Rule, et donc pas sa version dub vu qu'on l'a pas entendu. Donc sur la face A du scud du même nom, sorti en 1990 en Angleterre, sous le label Raga Delic Records. Alors moi perso, j'aime beaucoup cet artiste, on entend assez peu parler de lui en France, enfin en tout cas pas avant sa collab avant Hyton. Mais il faut savoir qu'il a eu beaucoup de succès en Angleterre. Pour faire une petite idée, la cote de ce vinyle est à 90 € sur Discogs. Donc si vous avez les moyens ou que vous tombez sur une bonne affaire, je vous conseille vraiment de foncer, c'est une pépite. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et je sens que Cédric est chaud de nous présenter son coup de cœur. Alors toi, c'était plutôt old school. Moi, c'est tout récent parce que c'est sorti il y a 5 ou 6 jours. Ça vient d'Espagne du label Crudo Bilbao. C'est un morceau du dubber Anson Saguardier. Give it to yourself and make it happen. If you don't have it yet, it's because you don't want it strong enough. And all my dreams, where are they taking me? I don't know. Sometimes I think just let them go. But I don't wanna be rich. I don't need to be known. All I want is to sing. I work for no boss. Good things are coming. That's what I say. I'll carry on, no matter what it takes. My mama says you've gotta keep it to yourself and make it happen. If you don't have it yet, it's because you don't want it strong enough. And all my dreams, where are they taking me? I don't know. Sometimes I think just let them go. 24/7 music beating in my heart. It's not about the gold always running inside. It wants me winter as spring rings blossoms. When mama likes it, I feel like a superstar. Don't know where it comes from, it was at the start. Or where it takes me, already feeling so far. When it's good, I rewind once and twice. Pound it up again, I can't stop. Good things are coming, that's what I say. I'm making my dreams come true, I'm doing it my way. My mama says, you've gotta keep it to yourself or make it happen. If you don't have it yet, it's because you don't want it strong enough. And all my dreams, where are they taking me? I don't know, I don't know, no, no. Sometimes I think, just let them go. Voilà, c'était un morceau de Anson Saguardier avec la voix de Isabelle Sherp. Le morceau s'appelle Mama Says et c'est sorti sur le label espagnol Crudo Bilbao, basé à Bilbao. Et j'ai découvert ce morceau comme ça dans mon fil SoundCloud. Et petit coup de cœur. Et voilà, du coup j'ai décidé de le passer ce soir. Correct. Ludo, on va écouter Vous voulez écouter mon morceau? Ouais. Allez, vas-y. Allez. Bon, du coup, moi c'est un morceau de Candy Dub. Et là. du coup c'était bien un morceau de Candy qui s'appelle Let the Dream Go On. C'est un hommage au japonais Hayao Miyazaki, donc c'est un dessinateur, réalisateur, cofondateur japonais du studio Ghibli. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un studio qui a produit pas mal de dessins animés, notamment Mon Voisin Totoro dans les années fin des années 80, ou encore plus récemment Le Château Ambulant en 2004. Alors moi j'ai, c'est mon coup de cœur, ce morceau il m'apaise, que ce soit en fin de journée ou au réveil. C'est assez calme, c'est mélodique. En milieu de journée aussi, ça marche en milieu, bien. Ouais, c'est vrai, si on veut se calmer en milieu de journée, pourquoi pas. Du coup, maintenant que je vous ai fait écouter mon coup de cœur, Romain va vous montrer son univers. Mon univers, ou en tout cas celui de Dabam Makureja et Mahom Dub, qui avaient sorti ce morceau nommé Bamba. Begging al Islam, deral nga Et c'était donc Daba Mekeruja et Mahom Dub dans ce morceau nommé Bamba. C'est donc un morceau qui est à l'origine, en fait, qui sort du premier album de Mahom Dub, et le nom du morceau était Phase au Feu. Et celui-ci a été repris en fait pour une version avec l'artiste africaine Daba Mekeruja. Et la version du coup a été pressée sur vinyle avant de faire le tour de très nombreux sound systems, on l'a entendu un nombre de fois incalculable. Et c'est notamment pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ce morceau, c'est que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas entendu et je l'ai re-entendu dernièrement. Les souvenirs qui ressortent. Exactement. Et ça m'a donné envie de le réécouter une autre fois en ce lundi pour redonner un peu de bonne humeur et de souvenirs d'une folle soirée. Merci Romain pour ton coup de cœur et merci à vous tous même pour vos coups de cœur. Du coup, sans transition, on va passer à l'agenda de Yanis. Et donc on passe tout de suite à l'agenda du mois de novembre, donc un peu moins chargé que celui du mois dernier, hein, mais il y a quand même de quoi bien bouger. Donc le 3 novembre, Wake the Town, 3 Selecta et 3 M6 donnent rendez-vous au Meloman Club pour faire skanker sur le système Zénith de 23h à 5h du matin, 8€ l'entrée. Le 17 novembre, Kedes Dub Session à Sommières, donc un événement Travel Sound sur leur sono, avec en guest Jumping Lion et Natural High Dub, 5€ l'entrée. Le 20 novembre, Salvace à l'ODB suivi de l'équipe de South Attack le 27 novembre. Gros big up à South Attack, hein, ouais, je vais venir. Live et section donc pour une entrée gratuite et je vous conseille vraiment d'y aller si vous voulez boire un coup sur du bon son. Et donc comme tu disais Ludo, gros big up à l'équipe South Attack qui était présent sur notre event ce week-end, qui a bravé le froid, qui a bravé les gendarmes avec nous et toujours avec le smile. C'était un super cadeau d'Annie, franchement, de vous avoir avec nous et revenez quand vous voulez. Donc voilà, c'est tout pour cet agenda du mois de novembre. Un peu si léger, comme je disais, mais... Je peux te dire deux dates en plus. Ouais, vas-y, avec plaisir. Il y a Rootsy, Jaworks Promotion à Montpellier. Il joue le 1er novembre au Nubaya et le 15 novembre à la Taverne du Perroquet. Ok, Taverne ok. Taverne du Perroquet, super. Qui font souvent des trucs le jeudi. Effectivement. C'est sur reggae. Ok. Bon, bah maintenant, c'est vraiment tout pour cet agenda du mois de novembre. Ben merci à vous deux pour cet agenda du coup. Donc on va retrouver URSS et Ambush juste après un morceau de Jean-Paul Dub, Mélodiquement Vôtre. Thank you. Et à l'instant, Jean-Paul Dub avec le morceau Mélodiquement Votre. Vous connaissiez pas Jean-Paul Dub? Non. Mais un nom plus connu que lui pour ma part. Voilà, il a un beau nom d'artiste aussi. Du coup, on va passer tout de suite à l'interview avec nos invités du jour. Donc, on reçoit les Sound System du coin Upton Routical et Ambush Sound System. Salut les gars. Salut. Bah, déjà, présentez-vous. Clément. Moi, c'est Clément de Ambush Sound System. Yes. Bon, normalement, on est deux dans le crew. Le pote, il est au Maroc là, en ce moment, du coup, il a pas pu être là. Il aurait pu faire un big up à lui. Gros big up à lui. Et du coup, Léo, Upton Routical Sound System. Léo qui est le Selecta et moi, Solal, du coup, je suis l'Operita, comme on dit, du Sound System. Yes. Lui a fait des études de son, il connaît bien les machines. Moi, je joue de la musique et voilà, c'est la sélection. Ça va bien ensemble. Ouais, bah du coup, vos Sound System, ça fait combien de temps déjà que ça existe, ces projets? Pour URSS, ça fait quoi, 5 ans, 6 ans? Je sais pas, ouais, ça fait un c'est difficile à dire parce que le moment où on s'est dit il faut qu'on en fasse un vraiment, le moment de commencer à faire les plans des enceintes, à les fabriquer, à faire des soirées, bon, y a pas de date précise, quoi. Avec la vie qui suit son cours aussi en parallèle, on a traîné, quoi. Là, on a un pote, là, justement, Lucas, Initiatrice Sound System. On s'est mis un peu en même temps, sauf que lui, il a pris les choses bien plus au sérieux et il s'est, et aujourd'hui, là, il a une grosse sono, là, nous, on est encore en cours d'élaboration. Mais ouais, ça a dû commencer à la fac, quoi, un truc comme ça, à émerger, puis après ça, c'est petit à petit, quoi. Ça prend du temps, il y a toujours quelque chose à faire, du matos en plus à avoir. Si j'avais fini une sono, ça s'arrête jamais. Ou les disques. Hein. Et toi, Clément? Et du coup, moi, ça doit faire à peu près 6 ans, je pense. On a commencé en assemblant 4 caissons, en branchant ça un peu à l'arrache, avec des sucres. C'était un peu bordel, quoi. Après, on a récupéré des caissons, on a monté ça. Ça commence à avoir un peu de jour. Alors du coup, vous faites souvent URSS. Comment vous êtes, vous connaissiez déjà depuis un moment, tout ça, comment vous avez fait les connexions Bah avec Solal, on est amis d'enfance, quoi, et on jouait du reggae dans un groupe quand on était jeune. Plus jeune, parce qu'on doit être toujours jeune, je pense, faut pas avoir un discours comme ça. Et du coup, après, il y a eu. Pour ma part, j'ai fait la rencontre de Tanguy, qui est un Montpelliérain, qui est son système d'abinvasion, et qui m'a un peu mis le pied là-dedans. Puis nous, quoi, enfin voilà, quoi. Après, on s'est. Le monde du reggae, Montpellier, c'est un petit village finalement. Et du coup, comme ça, on s'est dit, après, vas-y, bon, on va faire notre truc. Et puis voilà, on s'est lancé tranquillement. C'était à l'époque des Southern Dumb Convention à la Victoria, où on s'est vraiment tous mis là-dedans. On a découvert le truc et y avait quand même une sacrée programmation, quoi. Big up, Forward Ever, Manu et toute la clique qui ont organisé tous ces trucs-là. C'est ça qui nous a donné l'envie de faire ça. Alors du coup, on va parler peut-être sono un petit peu. Je sais pas si Yanis, tu as des questions, tu es notre spécialiste aussi. Alors déjà, est-ce qu'il y a un modèle de système sur lequel vous avez un peu tiré votre inspi? Je sais que dans le dub, ça tire pas mal sur les scoops, on en a eu aussi. Vous disiez hors antenne que vous avez des micro-scoops. Bah pour chaque crew, enfin pour URSS, ils en ont deux, en Bush nous aussi. Yes. Du coup, des fois, ça nous arrive de mixer les deux sonos ensemble pour faire un mur un peu plus. On aime tellement faire des trucs à plusieurs qu'on a fait des petits trucs chacun pour être obligé de les mixer. Non, mais il y avait une stratégie aussi, parce que on a grandi en voyant les grosses coupes de Lion Roots vrombir dans nos oreilles. Mais après, c'est bon, voilà, quoi, quand on a commencé, à moitié le matos il est chez les parents, à moitié dans ton appart pas grand. Donc on s'est pas mis direct à construire des gros trucs. Et c'était le compromis entre un truc qui envoie quand même un peu de la vibe et puis. Et puis transportable assez facilement, tant qu'on n'a pas encore les camions et les trucs comme ça. Quoi. J'ai entendu dire qu'Aeration Step ils étaient sur du 15 pouces au début. Bon, voilà, on verra. Très bien, 15 pouces, pas d'honte. Et du coup, la sono, elle est faite maison? Ouais, bah, elle est faite maison. Là, on se met à faire les plans de nos enceintes aussi, ce qui prend beaucoup plus de temps, du coup, parce que c'est pas juste prendre un plan sur Internet, là, donc on les fait nous-mêmes. C'est pour ça que ça avance lentement. C'est pour ça qu'on n'a pas tellement de modèles non plus de sono qu'on veut imiter, quoi. Parce que moi je suis pas convaincu par tous les sound systems qu'on entend. Je suis assez peu souvent convaincu. Ouais, c'est sûr. Les scoops c'est un peu incontournable. Je suppose qu'il y a mieux, mais c'est vrai que par la culture sound system on fait ça, quoi. Mais pour le reste on fait un peu ce qu'on veut. Pas vraiment de plan à suivre. Ouais, c'est marrant, du coup. Et c'est toi du coup qui conçoit les plans de nos Ouais, de nos c'est moi qui les fais. Ouais. Yeah, super, c'est toi qui fais les calculs, le litrage, tout ouais, ça. C'est moi qui fais les simulations, les calculs. Et c'est plutôt Léo qui construit que moi. Je file des plans mon et père je démerde avec. Donc c'est plutôt mon père qui a fait les basses. Enfin, c'est qu'on a un pote qui est menuisier aussi, donc ça facilite pas mal. Ouais. Là, on a fait des médiums. Des... On a un pote qui nous a aidé à faire des médiums avec un pavillon exponentiel qui est jamais facile à faire à la main, quoi. Et sans lui, je pense qu'on n'aurait pas réussi. Non. Donc c'est pratique aussi d'avoir des contacts comme ça. Ouais, souvent dans les pavillons, ce qui est compliqué, c'est l'arrondi du bois. Ouais, l'arrondi, une planche. L'arrondi qui respecte le plan, quoi. C'est, ouais, c'est ouais. Pas simple. Super. Bien. Bah, du coup, je sais pas si t'as d'autres questions par rapport technique ou à la sono. Non, moi ça me paraît assez clair. Enfin, c'est vraiment cool que vous conceviez vous-même vos plans. C'est assez rare de voir des systèmes qui tirent pas leurs plans de horn plan ou speaker plan ou tous les. Ouais, les microscopes ils viennent de là. Hein. Les microscopes ils sont de, c'est les trucs classiques. Oui, bon, après nous aussi. Mais ça va évoluer petit à petit peut-être. Yes. Mais voilà, moi j'ai plus de questions si vous en avez, vous les gars. Moi pas spécialement, comme ça, si jamais. Je fais des signes. Du coup, oui, ça fait 6 ans que vous avez vos sound system, vous aviez un groupe de reggae avant. Tu nous disais tout à l'heure. Ouais, ça fait longtemps. Quand t'es au lycée, ça remonte. Du coup, ouais, vous êtes arrivé dans l'univers sound system par le milieu du reggae. Ouais. C'est vrai que, comme on parlait avec Underground tout à l'heure lors de l'interview qu'on a fait avec eux, il y a plein de manières d'arriver dans cet univers-là, que ce soit par le dub, par d'autres par la techno ou autre. Bah, ouais, nous, je pense, je sais pas, Clément, tu me diras, mais je pense parler un peu pour nous trois. J'ai l'impression qu'on est arrivé. Pour ma part, c'était un concert des Gladiators au Rockstore. Je suis allé voir tous les mois d'octobre après, tant qu'ils étaient là, quoi. Et mais ouais, on a plutôt pris l'angle reggae, roots, et après sound system et par les Montpelliérains qui étaient dans la tradition du sound system jamaïcain, anglais, avec la platine, la sirène, et qui nous ont vendu des disques et tout. Donc on a cette culture là. On est un peu moins comme vous avez commencé l'émission Panda Dub et cette génération là. On n'a pas entamé le truc comme ça, quoi. Après voilà. Ouais, je pense qu'on est vraiment du reggae et même du concert, quoi. Moi j'étais très longtemps réfractaire au sound system en disant il n'y a pas de musicien, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et en fait c'est bien quand même. Et puis ouais, les musiciens dans le reggae, il y en a quand même, enfin les groupes qu'on aime, quoi, les trucs des années 70. Moi j'ai vu Ikama House en ce concert il y a une semaine, c'était chiant, quoi. Le gars il est vieux, quoi. Enfin, il est pas si vieux que ça par rapport à d'autres, mais je me rappelle. Mais il a encore une bonne voix, mais il fait rien, il bouge pas, on s'ennuie, quoi. Donc mais, effectivement ouais. Le sound system ça permet d'avoir les vrais morceaux originaux. Pas jouer en concert parce que souvent ils ont un clavier pour faire les cuivres et tout. Là en sound system t'as le vrai instru et le vrai chant avec toute la nuit et plus de basse et tout. Donc c'est finalement c'est un bon compromis. Infatigable en plus. Fatigable. Mais bon, moi je tiens à dire que quand même il y a eu, bah c'est bien, il y a pas mal de sound system qui se sont développés sur Montpellier, mais notamment au fait de la musique, j'ai souvenir d'avoir vu plus de concerts, Albert Premier, La Place, il y avait des concerts de reggae, etc. Et on en voit moins, alors qu'il y a des groupes de reggae, bon, j'en ai un. mais on voit moins de. Voilà, il y a Airy Jazz, Sagittarian qui tournent, bah, voilà, c'est un peu les pros de Montpellier, quoi. Mais il y a aussi d'autres groupes qui tournent autour dans les villages, etc. Et bon, je trouve que ça mériterait de mixer un peu plus le sound system et le live, peut-être dans des soirées en commun, quoi. Je suis d'accord, ouais, mais c'est vrai qu'il y a un bon concept. Ouais, bien sûr. À plusieurs, on est plus fort. Ouais, et puis moi j'avais une petite question aussi, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation d'un événement avec un sound system aujourd'hui, enfin, les difficultés que ça représente, les législations, tout ça. Ben, c'est pas vraiment facile, déjà il faut trouver un lieu, et les salles c'est un peu cher souvent pour la location et tout, du coup on essaie de trouver des terrains en extérieur, mais bon... Vu que les terrains ils sont privés, c'est pas facile, c'est un peu compliqué. Contacter un propriétaire et de dire ouais. Oui, on va faire une fête, on va ramener une énorme sono. Et... Bah, dans la mesure du possible, des fois il y a des bergeries ou des choses qui sont louables, mais il faut être du village. Donc des fois on a eu des potes qui nous ont permis de faire ça s'est très bien passé, on a fait des super soirées. Mais comme ça engage la responsabilité d'une personne tierce, bah on n'est pas toujours chaud parce qu'on se dit et si jamais quelqu'un picole un peu trop ou quoi, même si on demande aux gens de faire gaffe, quoi, on estime que les gens sont responsables quand même. Mais malgré tout, voilà, il y a la loi, il y a des choses qu'il faut. Et donc bon voilà, c'est difficile. Et puis des fois en garrigue c'est faisable. Après des fois il y a la police qui intervient. Bon, voilà, c'est. Mais bon, on essaye de. Ça fait partie. Quand même, de continuer. ok, bah du coup on a une session qui nous attend. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. On va balancer. Donc vous allez nous retrouver sur le Facebook de Radio Campus Montpellier, de Campus Hi-Fi, en direct, en vidéo. Du coup, vous allez nous jouer quoi? Du Roots? Vous avez ramené vos vinyles qui sont derrière? Commencer au Roots, partir sur le digital et après un peu plus énervé peut-être. Un petit mix de trucs qu'on a. Qui nous ont fait grandir avec des messages, ouais. Des messages un peu conscients. Bah, c'est super. Bah, en tout cas, merci d'être venu ce soir. Avec grand plaisir, merci. C'est un grand plaisir aussi de vous avoir reçu. Et on va s'écouter un petit morceau, le temps de se mettre en place pour la session. On va s'écouter du Sly & Robbie et on revient tout de suite. We'll be right back. Yes, I. C'était un extrait avec une fin un peu chaotique du coup de Sly and Robbie. Du coup, on est prêt pour la session hein, avec Ambush Sound System et Upton Rotical Sound System. C'est quand vous voulez. Yeah. Just a shoot, shoot, shoot. You just a shoot up the time. You just a shoot, shoot, shoot. You just a shoot down the time. You rob, you stop, you kill everything you can find. You rob, you stop, you shoot, you kill everything you can find. You kill off the woman, now you kill off the man. You won't start from the younger one. You have no mercy on the little baby chum. But Jaja have been a sweet chum. And Jaja see them when them come. Jaja have them in the region. Just see them when them come, yeah. I have no sympathy and no wicked man dead. No. A day must come when you have to pay. After you cost my brother my life. After you cost my sister. After you cost the oldest child. There won't be no mercy for you. No mercy, no. There won't be no mercy, no, no. No, no, no, no. There won't be no mercy, no, no. I say, hey, hey, up the time. You just a shoot, you just a shoot, you just a shoot, you just a shoot up the time. You just a kill off people every day, yeah. Go down on your knees and go down on your knees. I say Babylon is falling. tumbling down. Careless Ethiopian shall go down with Babylon, because they don't know when to leave. I say careless Ethiopian shall go down with Babylon, just because of greed. La la, I say Babylon is falling. La la, I say his kingdom is falling down. La la, I say Babylon is falling, his kingdom is falling down. Ethiopians, shake yourself from the dust. Arise and sit down, O Jerusalem. Loose yourself from the bands of thy neck, O captive daughters and sons of Zion. Ethiopians, shake yourself from the dust. Arise and sit down, O Jerusalem. Loose yourself from the bands of your neck, O captive sons and daughters of Zion. La la, I say Babylon is falling. La la, I say his kingdom is falling down. La la, I say Babylon is falling, his kingdom is falling down. La la, la la la la, la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la.

And I declare to end apartheid, for a needed of democracy, peace, and freedom. Free at last! Free at last! Thank God Almighty, we are free at last! Le, le, le, le, le. Le le le le le le le le le le le le le le le le le le le. Rise up, children, rise up. Rise up, children, rise up. Well, I've been to the mountaintop and I've seen the President Mandela, President of South Africa. Hail President Mandela, take your rightful place in Africa. Rise up, children, rise up. Rise up, children, rise up. Mr. Buthelezi, come in at this. Now is the time, so get in at this. Mr. De Klerk, I know it hurt. Make we come together. I've seen the promised land. philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and totally discredited, abolished and abandoned. Of time. I've seen our hopes decayed and wiped away. Unity, freedom and democracy. I say to Mr. de Klerk, keep hope alive! Yes, I've looked over and I've seen the promised land. We may not all get to the promised land together, but one day, all of God's children, white men and black men, Protestants and Jews, win over evil. I am a dancing machine, one dancing machine. I am a dancing machine. My clothes ain't clean, my booty lean. I've been dancing right over the scene. The penny for my thoughts, the nickel for my keys. Girl, I like to see when you twist. Cause I'm a dancing machine, I am a dancing machine. Dancing machine, I am a dancing machine. At my home, I have a washing machine. Cause my girl, she got dream. One lick of beans, say two lick of beans, say three lick of beans, say that more beans please. One lick of beans, say two lick of beans, say three lick of beans, say that more beans please. I said that dancing machine, I am a dancing machine. Dancing machine, I am a dancing machine. Dancing machine, I am a dancing machine. Dancing machine, keep on dancing. I keep on dance. Keep on dancing. I keep on dance. Inna the dance been just a walk in a dance. Inna the dance been just a walk in a dance. When the girl them see me say them want romance. Cause dancing machine, I am a dancing machine. Dancing machine, I am a dancing machine. The music in my body like electricity. I never move when me make so pretty. The music in my body like electricity. Inna the dancing and integrity. Why? Dancing machine, I am a dancing machine. Dancing machine, I am a dancing machine. Yeah, machine. Dancing machine, I am a dancing machine. Yeah, dancing machine, I am a dancing machine. Dancing machine, I am a dancing machine. My clothes ain't clean, my booty lean. I've been dancing right over the scene. The penny for my toss, a nickel for my keys. Girl, I like to see when you twist. Cause dancing machine, I am a dancing machine. Dancing machine, I am a dancing machine. Oh well, keep on dancing. Keep on dancing. I keep on dance. Keep on dance. Hot me house, me have a washing machine. Cause my girl, she got dream. Say one little bit. bin, set a more beans, please. At me house, me have a washing machine. Cause me little girl said a dream, she a dream. Dancing machine. Dancing machine, I am a dancing machine. Dancing machine, I am a dancing. Oh yeah, who can endure? Oh no, no. thing, boy. Tanani thing, boy. Music is a form of message, and the youths are human cassette. So don't indulge with slackness, no. But show some humanity and a single sick with reality. We shown to abuse the kids, no way. We shown to abuse the kids, no. So we a go weed them out, we a go weed them out, weed them out of the midst. Weed them out, we a go weed them out, weed them out of the midst. Weed them out, we a go weed them out, weed them out of the midst. Nations disagree. Nation rising against nations, nations, nations. Say that, say who? Hosanna, say who? Say what that, say who? Hosanna, say who? Economical crisis. Economical meltdown. Economical crime. Economical crisis. Move ya. Economical crime. Who's gonna need another bailout? Who's gonna need another bailout? Who's gonna need another bailout? Who's gonna need another bailout? Said them bail out Greece, so them never make it. Now Spain, see them never make it. Spain say it's not really a bailout, it's an unconditional deal. Nation rising against nations, nations, nations. Tell you that, tell who? Hosanna, say who? Say what that, say who? Hosanna, say who? Economical crisis. Economical.

Diamond.

strictly high grade away we smoking. And a few ganja is away we talking. We say if we listen to the conscience words we utter. We no but no cigarette and we no cough and slaughter. Man a strictly high grade sense if and we corner. If you don't like that say that you better leave ya. Them a call we criminal and them a call we gangster. Even though them sell the cigarette the biggest killer. Me say listen general because you dip on fire. Me say light up on us strip and place your chalwa. Put on the cigarette smoking. It's time to done with the joking. Strictly high grade we smoking. And a few ganja herbs and we be talking. Why? Put on the cigarette smoking. It's time to done with the choking. Why? Strictly high grade we smoking. And a few ganja herbs and we you know the government said them no careless. You in hospital with your pains on your chest. You don't smoke cigarette, yes, to excess. Before you hold the cigarette, them in your hand. Government change your constitution. It's time to free the healing of the nation. And now the cigarette, them should be banned. Put down the cigarette smoking. It's time to done with the joking. Say me why you put it down, oh, oh. Say me why you put it down, oh, oh, oh. Hey. Say me why you put it down, oh, oh, oh. Hey. Put on the cigarette smoking. It's time to done with the joking. Strictly high grade we smoking. And a few ganja herbs are really talking. Why? Put on the cigarette smoking. Smoking, and a few ganja herbs where we're talking. Thank you. C'est les dernières tuiles. C'était URSS et Ambush sans du control. Why you hiding? to all freedom fighters all over the world, I don't know. Especially dedicated to man called Nelson Mandela. John was star, even no star, even no soul. Yeah, even no brethren. God was mercy. Listen to the story of the man Mandela. Listen to the story of the man Mandela. The former president in South Africa. Former president in South Africa. Especially dedicated to all the youth. Them we know about them roads, know about them culture. They say once upon a time in South Africa, when black and white could not walk together, a great freedom fighter was born, oh yeah. And everybody know him as the great Madiba. Him father used to call him Role Lala. The meaning of that was troublemaker. But him never mean no harm, he say fit him brother. The man succeeded as a great liar. And a fight against the so-called Africaner. Who was some white man, we claim them rule bow, yeah. And still a go and like say them is superior. That's why them start. Equality prevail. Me glad say the man fight, you know it never fail. Say people like this are where me must have feel. During the time he was made prisoner, the man lose him son and him lose him mother. But him never lose him faith, him a go harder. And still fight against the apartheid power led by the wicked man away them call Bota. I saw me get fin away my roughneck soldier. And for the man funeral them come from all over. Them coming to celebrate the greatest freedom fighter. Me know it's one of the world's greatest leaders. Say watch how the whole world a cry when them hear about the news flash Mandela die. Watch how the whole world a cry when them hear about the news flash Mandela die. Listen to the story of the man Mandela. Listen to the story of the man Mandela. Yes, I, c'était URSS et Ambush Sound System sur Radio Campus Montpellier pour Campus Sci-Fi. Merci beaucoup, merci d'être venu. On lâche l'antenne, c'était super. Vous retrouvez le podcast sur la page Facebook de Campus Sci-Fi. On vous dit au mois de novembre, le quatrième lundi du mois de novembre. Passez une bonne fin de soirée sur Radio Campus.